Bonne soirée. CKRL, de la radio en tout genre, du lundi au vendredi. CKRL vous propose une série d'émissions sur des sujets variés, animés par des spécialistes et des passionnés. L'Aérospatiale est le seul magazine radio entièrement dédié à l'univers des arts visuels à Québec. Jean-Tiens de la France anime cette émission en compagnie d'une équipe de collaborateurs. Chroniques, entrevues, reportages, capsules, revues de presse et tables rondes vous font découvrir sous toutes ses facettes les arts visuels à Québec. Communication, culture. Alors, vous êtes à l'écoute de l'Aérospatiale, c'est votre magazine radio consacré entièrement à l'univers des arts visuels à Québec. Et c'est toujours Jean-Tiens de la France avec vous pour la prochaine heure pour parler d'art à CKRL 89.1. On va débuter l'émission tout d'abord avec une entrevue de Anne-Sophie Omer qui est allée voir l'installation vidéo « Tell me something valuable » de Federico Lamas, qui est présenté actuellement à la bande vidéo. C'est une exposition là, assez ludique avec des images à deux niveaux, si on peut dire comme ça, là, pour introduire le sujet. Ensuite, j'ai rencontré hier José Landry-Sirois et Steven Girard pour parler de l'exposition Notre Chambre, qui est un projet initié par Folliculture et qui est présenté actuellement à la Chambre Blanche, c'est le vernissage. Donc, je vous invite là à quitter la radio et aller à la Chambre Blanche directement. Ça commence à 5 heures, mais sinon, vous pouvez rester avec nous et on va écouter cette belle entrevue que j'ai fait avec José Landry-Sirois. Nous a beaucoup parlé de comment ça s'est passé avec ce groupe de jeunes qui ont appris au travers de l'art. Et ensuite, je vais m'entretenir en direct de Victoriaville avec Éric Dorion, qui est le commissaire des installations sonores dans le cadre du FIMAV, le fameux FIMAV qui fête maintenant ses 35 ans. FIMAV, ça veut dire Festival International de Musique Actuelle de Victoriaville. Et c'est maintenant la 10e année que le festival propose un parcours d'installation sonore. Donc, on va parler un peu plus en profondeur en deuxième partie d'émission. Et en toute fin d'émission, c'est Myriam Dufour qui va venir nous parler de l'exposition Total Return. Donc, c'est une exposition de Pierre Pinoncelli au lieu. Donc, Pierre Pinoncelli qui est un artiste assez atypique et multi-interdisciplinaire. On va en savoir plus avec Myriam Dufour en dernière partie d'émission. Et pour comme ambiance musicale cette semaine, je vous propose Fortet, qui est le pseudonyme de Kieran Hebden pour son projet solo de musique électronique. Il était de la programmation du Igloo Fest cette année. Donc, je vous propose des extraits de son album Round, qui est son troisième album, qui est paru en 2003. On va commencer avec la pièce She Moves She. toujours à l'aérospatiale. J'ai avec nous en studio Anne-Sophie Omar. Bonsoir. Salut, Jean-Thierry. Alors, Anne-Sophie, tu es allée voir, moi aussi, l'exposition « Tell me something valuable » de Federico Lamas. C'est une exposition qui résulte d'une résidence à la bande vidéo. Oui, alors pas au complet. OK. En fait, demi-résidence. C'est ça. Un quart de résidence. On va, tu sais, voilà, j'ai fait mon petit tour des expositions, puis j'ai vraiment eu un coup de cœur pour cette exposition, j'avoue. En fait, on pénètre dans l'espace, puis il y a comme différents plans dans cette exposition. Mm-hmm. Donc il y a, vous avez certainement vu passer le visuel de l'exposition qui est Donald Trump avec un coton-tige, et puis on voit qu'il se passe quelque chose derrière, mais sans outils magiques, on ne sait pas ce qu'il y a derrière. Oui, parce qu'il y a quelque chose d'assez particulier dans cette installation vidéo. Mais il faut le dire, c'est une installation vidéo. Il y a beaucoup plusieurs vidéos dans l'espace galerie de la bande vidéo. Et suspendu au plafond, il y a de ces petits objets qui sont en fait du plastique coloré rouge. Je crois que mon coup de cœur pour l'expo vient de là. Ça vient d'un souvenir d'enfance. Ludique. C'est quand grand-mère utilisait, tu sais, les papiers de bonbons transparents qu'on lissait. Et puis quand tu regardais à travers, tu voyais la vie en couleur. Et là, donc effectivement, on a ces pommes croquées accrochées à des ficelles au plafond. Oui. Et quand on regarde à travers, eh ben ces images. Alors effectivement, il y a des vidéos, enfin des animations, mais il y a également des images accrochées au mur de la bande vidéo. Et là, quand on met, je dis une pomme croquée parce qu'effectivement, il a choisi que ça s'appelle un hellish viewer. Ok. Un révélateur optique qui vient de l'enfer. De l'enfer. Et quand on regarde, on découvre des choses effectivement en second plan. Et c'est là où ça prend toute une autre dimension. Ben c'est ça. En fait, c'est un peu le principe là. C'est on a connu ça quand on était petit. Ce principe pour voir des images en trois dimensions avec un côté rouge, un côté bleu ou vert, peu importe, avec ces images en deux couleurs qui nous permettaient de voir en stéréoscopie, mettons. Mais là, l'image rouge fait, pas l'image, mais le plastique rouge fait disparaître une des images et en fait apparaître une autre. Exactement. Moi, j'aime l'exemple de cette bouteille de parfum qu'on voit, une très belle bouteille de parfum. Et puis quand tu mets le Hellish Viewer, j'aime bien le dire avec une voix un peu de l'enfer. Hellish Viewer. Hellish Viewer. quand tu regardes à travers, tu t'aperçois qu'en fait, c'est un chien qui sent les fesses d'un autre chien. Mm-hmm. Et c'est ça. C'est en fait, en lisant un petit peu sur l'exposition, tu t'aperçois que c'est l'artiste finalement nous parle de ce que les consommateurs ont envie de voir. Tu sais, la belle image, la publicité, finalement tout ce côté Instagram, réseaux sociaux, tout ce qui est beau à voir, mais qu'est-ce que ça cache derrière? Et finalement, c'est cette façon de voir avec ce filtre rouge nous donne un petit peu ce qui se passe en arrière-plan qu'on refuse de voir. Donc, si on prend l'exemple de la bouteille de parfum et du chien qui sent le derrière, donc il y a une espèce de propos sur comment l'être humain se comporte par rapport au parfum qui va être porté pour attirer de ces manières-là. Mais au final, on reproduit ces comportements animaux. Mais complètement, oui, tout à fait. Et puis, effectivement, t'as cette double lecture de ce qu'on a envie de voir, des fois de cette façon qu'on a aussi de se mettre des œillères, de ne pas voir ce qui est face à nous et de préférer l'image embellie. Donc ça, effectivement, c'est toute la partie image, vidéo, enfin animation, on va dire. Et parce que c'est la partie qui existe déjà, qui était dans son travail au préalable. Vous avez d'ailleurs, je vous la conseille, il y a une très belle édition. Un petit cahier de tous ces dessins qui vous achetez effectivement des petits Hellish Viewer pour voir ce cahier d'une autre façon. Et la dernière partie de l'exposition qui est récente, et là ça vient de la résidence à Québec à la bande vidéo, c'est cette vidéo qui est sur à gauche, peut-être on peut en parler. En fait, c'est l'artiste qui, pour une fois, est protagoniste de ses images, de son travail, ce qu'il fait rarement. En général, il a plutôt du recul et il nous propose une certaine vision de la société. Donc, quelque chose de plus intimiste ici, comme propos. Oui, quelque part. Ouais. Oui, parce que là, il est quand même en gros plan. On voit, finalement, ça représente comme une chute. On dirait qu'il descend de quelque chose. On voit il descend sur le dos comme ça, péniblement. Et il essaye de se retenir à des objets de consommation à tout prix. On voit qu'il se fait comme bombarder, on entend des tirs, des bombes autour, et on a l'impression qu'il a envie de protéger ses objets de consommation à tout prix, peu importe même jusqu'au péril de sa propre vie. Mmh. Et mais c'est assez intéressant. Donc ça, c'est un travail qu'il a fait durant sa résidence à la bande vidéo, là récemment, à Québec. On voit d'ailleurs ces bandes neige, ça ne peut être qu'à Québec. Donc ici, on a donc un propos plus... plus intimiste, je disais plus intimiste mm-hmm. au départ, mais une critique qui parce que ça peut être facile de critiquer la société, oui. de critiquer les autres, mais là il l'applique à lui-même, là il l'applique à son propre mode exactement. De vie. Exactement. Mm-hmm. Là il se place vraiment en protagoniste de cette affaire en disant peut-être je ne vous critique pas tous avec ce que je vous montre puisque moi-même je suis je ne sais pas si je suis victime, mais en tout cas j'agis de la même façon, je suis acteur autant que vous autres dans cette société de consommation qui porte des œillères, et là je me mets en gros plan sur cette vidéo et moi aussi je protège cette consommation qu'on critique mais qu'on aime, mais que cette espèce tout le temps de filtre rouge, de filtre bleu. Oui, donc c'est intéressant parce que nous en tant que spectateurs, on peut aussi le faire cet exercice. Oui, vraiment. Dans l'introspection, dans la réflexion, oui. Dans les réactions qu'on peut avoir par rapport à cette installation Tell Me Something Valuable de Federico Lamas qui est présenté actuellement à la bande vidéo. Oui. Jusqu'au 4 juin, du 4 mai au 9 juin, c'est bien sûr ouvert du mercredi au dimanche, de midi à 17h. Et la petite question finale, vite fait, c'est, oui. Est-ce que c'est Elish Viewer en forme de pomme? Est-ce que c'est un petit peu une marque connue d'ordinateur qui serait peut-être, soulignée? Mais est-ce que ça réfère au Jardin d'Éden dans et la c'est ville? Ça? Ou à Blanche-Neige? Moi, je laisse cette question-là en suspens, en tout cas. Donc, sur cette question, on va aller écouter un extrait de Unspoken, toujours de Fortet. À la Chambre Blanche, c'est un projet qui s'appelle Notre Chambre, un projet qui est initié par Folliculture, et j'ai préenregistré cette entrevue avec Steven Girard. Bonsoir, Steven. Bonsoir. Donc, nouveau directeur de Folliculture depuis combien de temps déjà? En décembre dernier. Et j'ai également avec moi Josée Landry-Sirois, qui est une des trois artistes qui a participé à ce projet-là. Bonsoir, Josée. Bonsoir, Chantiane. Alors, c'est un projet qui a commencé avant Steven, en compagnie de Céline, je crois, qui était à la direction de Folliculture depuis les tout débuts. Et ça fait donc plusieurs années que ce projet-là se réfléchit, Josée. Oui, effectivement. En fait, c'est un projet que j'ai réfléchi avec Folliculture, avec Céline Marcotte, à l'époque, depuis 2015. Le mandat était de réaliser des ateliers d'art dans la communauté avec des jeunes adolescents, je dirais de 14 à 18 moins 5, là, tu sais, des mineurs. Donc, à l'époque, les ateliers se donnaient à l'extérieur, mais depuis cet automne, on a la chance de réaliser les ateliers au Musée national des Beaux-Arts dans les anciennes cellules de la prison. Donc, à raison de une fois par semaine. Et ce qui est très important de savoir et de mentionner, c'est que ces ateliers et ce projet est rendu grâce au CIUS de la Capitale-Nationale, la Fondation CHU, la Fondation Intac Assurance et Folliculture, évidemment. Donc, c'est un projet qui permet à des jeunes d'explorer différentes techniques, différents médiums artistiques. Vous transformez ces cellules-là en ateliers. C'est des ateliers individuels, des ateliers partagés. Comment ça fonctionne? En fait, le mercredi soir, de 5h à 8h, on est deux artistes, dont moi et Mathieu Fecteau, qu'on accompagne des jeunes dans leur projet. Je dirais qu'on est un peu comme des profs d'atelier. Donc, c'est vraiment du travail un à un, des projets. On accompagne les jeunes à réaliser ce qu'ils voudraient faire. Donc, souvent, les jeunes, et même nous, dans la vie, on va dire, OK, moi, je voudrais réaliser tel truc. Je le vois comme ça, mais je sais pas comment y parvenir. Donc, on est un peu comme des mentors où on va être les techniciens de leur projet, entre autres. Donc, c'est vraiment un projet d'accompagnement, puis les idées viennent des jeunes ou vous avez comme des espèces d'ateliers avec différentes directions, différentes thématiques qui étaient abordées? Non, absolument pas. L'idée était aussi de pas leur donner de consignes. C'est vraiment un atelier libre. Donc, ces jeunes-là se sont inscrits volontairement. Donc, ils viennent après l'école. Pour la plupart, c'était leur première fois au Musée national des Beaux-Arts. Donc, ils arrivent avec leurs idées, leurs bagages, leur curiosité, puis surtout... surtout l'intérêt de réaliser des projets. Et aussi, ce que je tiens à mentionner, c'est que la chance d'être au musée, ça fait aussi qu'on est sur place pour montrer, pour témoigner d'exemples sur le terrain. T'sais, par exemple, le projet, il s'appelle Notre Chambre. Il vient, oui, du fait qu'on travaille, les participants à l'exposition Notre Chambre sont des adolescents et que, évidemment, on a tous des souvenirs de notre propre chambre qui était et qui l'est encore. Notre chambre, c'est un peu comme un sanctuaire. Tu sais. Donc, la façon dont on va placer les objets, nos objets intimes, les objets qui nous font rêver, qui nous accompagnent dans la relaxation, c'est un peu des arrangements qui pourraient même faire penser à une mise en espace d'une exposition. Donc, il y avait cette idée-là aussi dans ce titre-là. Puis, je reviens au fait que quand je dis que le musée est la bonne place, bien souvent, on leur expliquait quelque chose, à moi puis Mathieu, mais on était sur les lieux pour dire, OK, tu sais, par exemple, un cabinet de curiosité, puis là, les jeunes, qu'est-ce que tu veux dire par là? OK, attends, je vais aller dans la salle, je vais aller te montrer l'œuvre de David Hatchmed, tu sais. Ça, c'en est un, en quelque sorte, tu sais. Donc, il y avait ça aussi dans la pertinence d'être dans un lieu culturel, tu sais. Puis aussi, évidemment, le mercredi soir, le musée est ouvert, donc on pouvait aussi assister à des vernissages. On avait la chance de participer à des visites, d'être dans un lieu de beauté, dans un lieu de culture, d'aller visiter, ensuite de circuler, de s'approprier le lieu. Je me souviens encore des soirs où les jeunes disaient « dans mon musée ». Donc, voilà. Donc, ce très beau projet, Notre Chambre, est présenté par Folliculture. Steven Gérard, en quoi ce projet-là vient rejoindre la mission de Folliculture en particulier? Les cultures œuvrent depuis longtemps à conjuguer entre deux univers qui sont en fait qui prennent forme au sein de cet atelier de création-là, puisque d'une certaine manière, en fait, on offre une expérience de création et qui sort en fait des pratiques habituelles qui seraient davantage dans des milieux plutôt cliniques. Donc on sort, on va dans un milieu de mixité sociale, on arrive au Musée des Beaux-Arts, puis on explore tel que José l'a mentionné. Et puis il y a quelque chose aussi, j'ai l'impression, derrière tout ça, dans la mission de Folliculture, j'ai l'impression qu'il y a, il y a quelque chose de vouloir briser la hiérarchie entre les artistes et les non-artistes. Il y a quelque chose de ça aussi là-dedans. Oui, assurément. Justement, José le mentionnait, avec l'accompagnement, il y a quelque chose d'un peu plus horizontal qui fait en sorte que c'est pas une thématique qui est marquée par une approche singulière d'une démarche d'un artiste, mais c'est plutôt comment on s'arrime à la volonté des participants et des participantes. Donc, il y a toute cette conjugaison-là qui fait en sorte qu'on a une posture moins autoritaire. Et ce projet-là, ben, José Landry de Sirois, tu me parlais de ta collaboration avec Mathieu Fecteau, avec les étudiants, mais il y a également Delphine Eggesbar qui participait à ce projet en tant qu'artiste. Quel était son rôle à elle, à Delphine? Ben, en fait, Delphine est comme la troisième roue de notre carrosse, là, je dirais comme ça. Donc, la chance d'avoir Delphine, c'est que... elle est guide déjà au musée. Ensuite, elle a été commissaire, donc à commissariat des expositions. Donc, elle est arrivée à la toute fin du projet, juste avant le début de l'exposition de notre chambre. Donc, ce qui était intéressant, c'était de pouvoir aller visiter des expositions avec Delphine et de la faire parler de la mise en espace d'une exposition pour déjà mettre en tête à ces jeunes-là comment ils allaient présenter leur œuvre. Comment présenter une œuvre, ça peut aussi changer tout le sens de la lecture de l'exposition. Donc, à ce niveau-là, Delphine a été d'une grande aide. Donc, tout le volet mise en espace, présentation, le discours aussi par rapport à l'œuvre, voilà. Et on parle de mise en espace ici à la Chambre Blanche, parce qu'on se trouve actuellement à la Chambre Blanche. On peut voir que les œuvres sont présentées au mur. Il y a également des installations à différents lieux. Il y a une projection qui se prépare. Ce que j'ai remarqué, c'est que c'est pas un coin pour chaque artiste. Il y a vraiment un mélange qui s'est fait. Les œuvres sont disséminées, j'ai l'impression, sur les murs. Est-ce que tu peux nous parler, José Landry Sirois, comment ça s'est passé, cette mise en espace-là, dans les in situ, dans les lieux de la galerie? Bien, déjà, notre chambre, c'est comme l'immersion dans... Ça aurait pu s'appeler aussi mon univers, nos univers. Donc, c'est différents univers. Le défi était de présenter différents univers très forts puis très marqués par des personnalités. Donc, je suis allée de façon... avec Mathieu, en fait, on a réfléchi à faire des associations, je dirais, peut-être même chromatiques. T'sais, il fallait trouver des façons de faire des associations. Donc, aussi de thèmes, on a même, pour ceux qui viendront voir, suggéré du mobilier qui, évidemment, meuble une chambre. Donc, il y a des petits sanctuaires personnels à partir de petites sculptures. C'est sûr qu'on... Écoutez, c'est certain, je vais vous lancer un punch, on a une personne que son idole, c'est Tupac. T'sais. Donc, on a un Tupac. On a un grand tableau Tupac. Puis ce que je lui disais, c'était hey, « Écoute, c'est malade, t'sais. Mais tu devrais le magnifier, là, tu l'aimes Tupac, comment auprès le magnifier, tu sais? » Donc, j'ai apporté de la feuille d'or. Donc, Tupac devient une icône à la Chambre Blanche. Donc, on a travaillé, c'est ça. À côté de Tupac, ben on a une projection qui va tourner en loop où il y a des clips musicaux, des pièces, des tunes qu'on a choisies. Donc, il y a un rap, à quelque part, vous pourrez lire Nirvana. Donc, il y a des mots aussi. Donc, c'est ça. On est allé avec des associations, soit plastiques, au sens pictural ou des thématiques. Ouais, voilà. Alors, le vernissage, c'est en ce moment. On vous invite à y courir. Ça a commencé à 17h à la Chambre Blanche et l'exposition se poursuit jusqu'au 19 mai. Les heures d'ouverture sont de 13 à 17h. Ben, merci beaucoup pour cette belle rencontre, José Landry-Sirois. Grand plaisir. Merci, Steven Girard. Merci. CKRL. Communication. Culture. Première ovation, un tremplin pour la relève artistique de Québec. La mesure invite les organismes culturels de la Ville de Québec à soumettre des projets de classe de maître pour l'année 2019-2020. Ce sera l'occasion pour les jeunes créateurs de bénéficier de l'encadrement et de l'expérience d'artistes de renommée internationale. Les classes de maître devront se tenir sur le territoire de la Ville de Québec et elles seront offertes en priorité aux artistes de la relève répondant aux critères de première ovation. Les projets peuvent être déposés jusqu'au 3 juin 2019. Tous les détails au premièreovation.com. Le 35e Festival international de musique actuelle de Victoriaville se tiendra du 16 au 19 mai 2019. Au programme, Peggy Lee, Peter Bratzman, Heather Lee, Keiji Haino, More Mother avec Roscoe Mitchell, Seniawa, The X et bien plus encore. Soyez des nôtres pour 4 jours de concerts, un circuit d'installation sonore dans l'espace public, 2 programmes de courts-métrages expérimentaux et une exposition d'art visuel. Du 16 au 19 mai 2019, venez vivre l'expérience du 35e FIMAV. Pour plus d'informations ou pour acheter des billets, visitez le fimav.qc.ca. Venez rencontrer l'équipe de Garda World lors d'une journée de recrutement pour des postes en sécurité. Il n'est pas nécessaire d'être détenteur du permis BSP. Notre équipe sera aux Galeries de la Capitale le 14 mai de 11h à 18h au lunch de l'Espace Gourmet. Venez également nous rencontrer à notre bureau de l'Ancienne Lorette le 15 mai de 9h à 17h au 1160 rue Vallée. Au plaisir de vous voir! Les Nations Unies, l'UNESCO et Banque sans frontières sont fiers de s'associer au Bar Lanty pour souligner la Journée internationale du Bononcle Serge. Les activités vont se dérouler au Bar Lanty dans le quartier Saint-Roch à Québec, jeudi le 23 mai. Il va y avoir vente d'alcool, de produits de Bononcle Serge et surtout un show de Bononcle avec son groupe de rock. La Journée internationale du Bononcle Serge à Lanty, jeudi 23 mai. Tous les détails sur Internet. Audiolite, 50 ans de tradition et d'innovation. Bryston, Cambridge Audio, Denon, Dyne Audio, Focal, Grado. Audiolite, toujours spécialiste en son et images. Moon, Oracle Audio, Paradigme, Rega, Sennheiser. Audiolite.qc.ca. Par sa mission et son engagement, notre station ouvre ses ondes à des centaines d'organismes ou entreprises communautaires et culturelles. Maintenant, c'est à notre tour de les encourager. Pêche, programme d'encadrement clinique et d'hébergement, maison de la famille Louis Hébert, Harmonie Montmorency, carrefour d'éducation à la solidarité internationale. Ils ont choisi d'appuyer CKRL. De retour à l'aérospatiale pour parler art visuel à Québec, mais là on se déplace à Victoriaville avec Éric Dorion au bout du fil. Bonsoir Éric. Et bonsoir. C'était une belle journée de radio pour toi? Ah ben oui, c'est une journée de radio parfaite. Deux entrevues à CKRL. Et donc, Éric Dorion, je te présente un peu, brièvement, donc tu es artiste, mais également commissaire du volet installation sonore du FIMAV, le fameux Festival international de musique actuelle de Victoriaville. C'est la 35e édition cette année du FIMAV et c'est la 10e édition où il y a un parcours d'installation sonore. Toi, ça fait combien de temps que tu es commissaire de ce parcours-là? Ben alors, figure-toi donc que ça fait 9 ans. Okay. Donc, la première année qu'il y a eu ce projet-là d'installation sonore, donc il y a 10 ans, c'était j'étais invité comme musicien pour présenter un concert, mais également pour présenter une installation sonore qui, à l'époque, fonctionnait. Là, c'était une installation avec des pianos. Et donc, ça a bien fonctionné. Première année, il y avait seulement 4 installations. Et puis, après cette édition-là, le directeur général artistique et fondateur du festival, Michel Levasseur, m'a contacté pour me demander si ça ne tentait pas de m'occuper d'être commissaire. Et puis, et maintenant, ça fait 9 ans. Là. Donc là, c'est la 9e année que ça tente. Et cette année, cette année, il y a 7 installations. Donc, j'imagine que ça grandit à chaque année, là, ce projet-là de parcours d'installation sonore à Victoriaville. Disons que depuis l'an 3, on roule avec 7 installations à chaque année. Cependant, oui, ça change quand même d'année en année, car là, cette année, j'ai eu l'opportunité de pouvoir commander des œuvres à 5 artistes du Québec, puis d'accueillir aussi 2 œuvres de l'étranger, donc de France, d'un collectif qui s'appelle Cénoplos. C'est quand même un gros changement là. Ben oui, ça faisait partie de mes questions là, que je voulais te poser, parce que il y a beaucoup de premières mondiales, donc j'imagine que c'est des œuvres qui sont produites expressément pour le FIMAV. Exact. Et là, tu parles de commandes d'œuvres, et toi, tu es commissaire. Alors, est-ce que ton rôle de commissaire à ce moment-là est plus important? Est-ce que tu fais des commandes spécifiques ou bien les artistes ont un mandat qui est complètement libre? Bon, alors, moi, je fonctionne toujours quand même avec carte blanche, là. C'est-à-dire que quand j'approche des artistes, c'est vraiment sur carte blanche. Ceci dit, tu vois, c'est toujours un appel de dossier, mais très informel. Et quand je dis informel, c'est sur mon Facebook, ma titre. Et des artistes me contactent, m'envoient des dossiers. Et là, par la suite, bon, je peux fouiller un peu là-dedans. Mais également, j'approche directement des artistes avec qui j'aimerais travailler. Et puis, on discute, quoi. Ils me proposent un truc, puis par la suite, moi, déjà, je pense, avec mes premières propositions, je vais penser au lieu dans le parcours où ce serait intéressant. Et puis là, on travaille ensemble. Ce qui est arrivé, entre autres, avec l'artiste Émilie Payard, ce qui est arrivé aussi avec l'Orchestre d'un orchestre, ce qui est arrivé également avec Ludovic Bonnet. Donc, et c'est des gens qui l'œuvre n'existait pas, et puis on a travaillé ensemble, voir un peu qu'est-ce qu'on pouvait faire, expliquer le lieu, expliquer comment ça pourrait être reçu, expliquer aussi des trucs aussi anodins que ça dure une semaine d'exposition, ça fonctionne de 10h le matin à 8h le soir, et il y a 40 groupes scolaires. Est-ce que ton installation va fonctionner pendant une semaine? Oui, il y a la question. Oui, c'est ça, la question de la fiabilité de l'objet. Oui, la température également, oui. Et tout. Oui. Donc, sur ces 7 installations-là, 3 des artistes ou groupes d'artistes viennent de Québec quand même. Là. Ben, écoute, qu'est-ce que tu veux? J'ai quand même... tu sais, j'allais dire, quand tu me présentais, tu disais artiste et commissaire, et j'allais dire... et ex-résident de Québec. J'ai quand même habité à Québec pendant 23 ans. J'ai omis de le mentionner. Donc, j'ai encore des très bons contacts. Ceci dit, c'est pas une question de contact, mais aussi, faut souligner quand même, je veux dire, ça aurait pu être trois personnes de Gaspé aussi, là. Mais il y a quand même, faut dire qu'il y a quand même un travail exceptionnel artistique qui se fait à Québec. On le sait quand même bien. D'ailleurs, tu as une émission. Oui, on est au courant ici à l'aérospace. donc, c'est facile de trouver des artistes de Québec, je voudrais dire. Oui, mais il y a quand même un artiste qui m'étonne, c'est Georges Azaria. Oui, bien, Georges, ça faisait quand même quelques années qu'on n'avait pas entendu parler de son travail. Donc, tu es allé le chercher, puis tu lui as dit, ça, est-ce que tu voudrais faire quelque chose pour le FIMAV? Ah, mais vois-tu, j'avais déjà eu vent via une artiste que vous connaissez qui s'appelle Caroline Gagné, qui était directrice artistique d'Avatar, et puis qui m'a dit, Éric, Georges Azaria a recommencé à faire des trucs. Donc là, j'ai été bien étonné. J'ai toujours aimé le travail de Georges Azaria, qui est un des premiers de Avatar, hein, qui était aussi qui a toujours été dans la vie finalement artistique de Québec et est un artiste qu'on pourrait qualifier de luthier, de nouvelle lutherie. Oui. Et puis donc, il a recommencé à refaire des œuvres comme ça, des amalgames, des transforts, des sculptures sonores. Et donc, il nous présente une œuvre qui est magnifique, là, qui est la réduction d'orchestre, et puis qui est d'une simplicité et d'une complexité qui est magnifique. Donc, Georges travaille, son œuvre est fort appréciée, et est située à l'intérieur, là, dans un lieu qui est très passant, qui s'appelle la Ville Hogard, qui est finalement le bureau de l'office touristique en fait des Bois-Francs. Donc les gens passent là et puis ils voient cette sculpture là qui est magnifique là. Et le travail de Ludovic Bonnet, son œuvre s'appelle Fontaine d'intérieur, mais je pense que c'est impossible de la présenter à l'intérieur celle-là. Ah, celle-là, ben écoutez, comme Ludovic travaille toujours dans des échelles c'est des échelles qui sont énormes, quoi. Oui. Là, et puis quand il m'a parlé de cette œuvre-là, qu'il avait en tête, il me parlait d'un bac d'eau. Donc, vous voyez des grands réservoirs de 1000 litres en plastique qui peut servir des fois même dans les érablières à récolter l'eau. Oui, donc, c'est le fameux bac avec une armature de métal autour, là, oui. Exact. Et donc, quand il m'a parlé de ça, je dis, ah, ben oui, c'est sûr, c'est cool. Fait que moi, je pensais que ça allait être seulement qu'un cube. Et puis, finalement, il m'a envoyé une photo, puis là, il était rendu avec 10 de ces structures-là. Et puis moi, même quand il m'a montré la photo la première fois, il me l'a envoyé par Facebook. Et je pensais que c'était une blague parce que je croyais qu'il parce qu'étant donné qu'il était engagé pour refaire la sculpture de Monsieur Reynaud. Oui. Donc, dialogue avec le passé, si je ne me trompe pas. Avec l'histoire. Avec l'histoire, désolé. Pas de problème. Et donc, étant donné que c'est lui qui est derrière la fabrication de la nouvelle version, moi, je pensais que c'était ça. Je pensais qu'il faisait une blague et il me disait qu'il voulait présenter ça parce que si on regarde vraiment un bac blanc avec l'armature en métal, ça peut quand même ressembler un peu à ça. Et puis là, ben là, quand on arrive dans le parc ici à Victoriaville et puis qu'on voit cet amoncellement de 10 bacs comme ça et qui se transfèrent de l'eau. Donc, il y a deux bacs qui sont remplis à 1000 litres. Et puis avec un système de pompe assez ingénieux, là. Donc ça tire l'eau de un des bacs, ça va l'envoyer à un bac en haut, ça se promène comme ça, et puis ça donne quelque chose d'assez fascinant, ça donne vraiment une fontaine intérieure. C'est comme si on avait une fontaine ou une chute, ou même le bord de la mer devant nous, mais sans voir l'eau. C'est donc le son évoque un peu les éléments naturels. Oui, tout à fait. Et je vais terminer aussi avec l'Orchestre d'Hommes Orchestre qui a également créé une œuvre toute spéciale pour ce parcours d'installation sonore au FIMAV, La Bête à sept têtes. Donc, ils utilisent leur fameux vieux camion. Oui, le fameux vieux camion à lait. Mais là, c'est des aspirateurs et des cuivres. Voilà, donc c'est sept aspirateurs Electrolux bien old school. Et puis, donc, ils ont inversé, au lieu d'aspirer, ils poussent de l'air. Et puis, en rallongeant un peu, vous voyez, les tuyaux, en rallongeant les tuyaux, ça construit des harmoniques. Et puis, donc, c'est un jeu comme ça d'harmonie sur les sept cornets. Ils ont fait une composition d'une quinzaine de minutes. Et c'est un peu un hommage au Festival de musique actuelle à Victoriaville. Mm-hmm. Donc, ils ont vraiment fait une composition qui peut être dissonante. C'est une composition aussi qui peut comme vraiment être, je voudrais, à la limite de l'écoutable, parce que bon, on atteint des très hautes fréquences. Et puis il y a un jeu comme ça, c'est fascinant, d'autant plus qu'elle est, on l'a installée sur le bord de la piste cyclable. Et cette piste cyclable-là est empruntée par beaucoup de gens, là, vraiment. Oui, très agilandé. Triporteurs, piétons, joggeurs, vélos empruntent toujours cette piste-là. Donc, il y a une espèce d'étonnement qui est fabuleux. Les gens arrêtent, posent des questions. Donc, on a quelque chose de très grand. Bon, ben, écoutez, c'est pas surprenant de la part de l'Orchestre de Morchès, là, mais c'est encore une œuvre de qualité, là. Ben, écoute, Éric, j'aurais beaucoup aimé faire le tour avec toi, mais là, l'entrevue tire à sa fin. On pourrait peut-être nommer quand même Cénocosme, pardon, qui est un groupe d'artistes de France, ouais, et qui nous offre deux installations très interactives. Oui, oui, oui. Donc, c'est vraiment Cénocosme, je les connais depuis une dizaine d'années. J'avais vu leur travail déjà en Belgique, là, dans ce festival. Et puis, donc, c'est ça. C'est des œuvres qui, finalement, si on passe devant et puis on touche pas, il se passe pas grand-chose, hein. Donc, il y a une œuvre qui est composée de 6 plantes. Et donc, on regarde, c'est des plantes qui sont accrochées, mais les plantes sont réactives. Dès qu'on frôle ou on touche les plantes, elles déclenchent des sons. Et puis, l'autre œuvre, c'est une œuvre, encore le même principe. Si on n'y touche pas, il se passe rien. C'est un écran, et puis on peut appuyer dans l'écran, et là, ça fait un mélange vidéo et son qui est assez magique, là. Je vous avoue que ça devient un best-seller assez rapidement, cette œuvre-là. Ben, alors, c'est à voir dans le cadre du FIMAV à Victoriaville, c'est jusqu'au 19 mai. Oui, et... donc c'est ça. Je veux juste rajouter que c'est un parcours qui est gratuit, bien sûr. Oui. C'est ouvert de 10 le matin à 8 heures. À 20 heures. Oui. Et puis, si vous avez des questions, il y a des guides sur le parcours. Il y a toujours quelqu'un là, qui peut vous donner de l'information, qui peut vous diriger un peu. Et puis, c'est là jusqu'à dimanche. Donc, ce serait vraiment bien que vous puissiez faire un tour. Puis, en même temps, ben, si vous avez l'intérêt et l'occasion, ben, bien sûr, il y a une série d'une vingtaine de concerts à voir en salle, absolument. Là. Ben oui, ben merci beaucoup, Éric Dorion. Puis, merci à vous. Bonne soirée et bonne édition du FIMAV. Et nous, à CKRL, ben là, je viens d'avoir la surprise. Jessica vient de déposer sur mon bureau. Tu peux raccrocher, Éric. Moi, je lance mon concours. OK, donc... Jessica Leb vient de déposer sur mon bureau des paires de billets justement pour le FIMAV. Je l'avais pas mise au courant qu'on en parlait durant l'émission. Donc, je vous invite à appeler à la station 418-640-1586 si vous voulez avoir la chance de gagner des paires de billets pour le spectacle Eco-Painting de Peggy Lee ou des paires de billets pour le spectacle Field Recordings de Bang on Can All Stars, qui sont tous deux présentés au fameux FIMAV de Victoriaville. Donc, quelques paires de billets à gagner. Sautez sur votre téléphone, appelez à CKRL. Nous, on prend une petite pause musicale et au retour, Myriam Dufour nous parle de ce qui se passe au lieu. Alors, c'était un extrait de As Serious As Your Life. Et j'ai avec moi en studio Myriam Dufour. Bonsoir. Bonsoir. Alors, Myriam Dufour, on a découvert ou redécouvert pour certains au cours du dernier mois Pierre Pinoncelli, qui a été invité par le lieu à présenter une exposition. Il y a eu un colloque également entourant sa venue qui malheureusement n'a pas pu avoir lieu parce que vieillissant, parce que santé peut-être fragile. Mais il y a quand même cette exposition, cette découverte d'un artiste qu'on a faite avec le lieu là. Oui, exact. En fait, Pierre Pinoncelli, c'est un artiste français né en 1929, comme ça il a présentement 90 ans. Puis il est vraiment connu en Europe, mais ici à Québec qui est peu connu, puis c'est pour ça que c'est intéressant d'avoir fait une exposition sur lui à Québec, parce qu'il mérite à se faire connaître. Je vais un peu le présenter pour vous dire à qui on a affaire, en certainement. Fait. Pierre Pinoncelli, c'est un plasticien, un écrivain, un artiste de performance et un adepte de l'art de comportement. Il est connu surtout pour ses actions performatives de rue, ses revendications sociales et politiques qui sont présentées par le biais d'happenings. Il a fait énormément d'happenings de rue. Puis c'est un artiste percutant par son art et il marque beaucoup par son art activiste très radical qui défie toujours l'ordre établi. Mm-hmm. Puis par son art et par ses happenings, surtout, il nous fait réfléchir sur la société par le biais des dénonciations, des protestations, des contestations. Mais même parfois, il fait des propositions insurrectionnelles. Donc, ses actions sont vraiment proches du juridique puis du politique. Il va souvent jouer avec la limite du juridique, la limite en ce qui est légal ou ce qui n'est pas légal. Donc, c'est vraiment intéressant parce que oui, il fait des actions super percutantes et marquantes, mais qui attirent l'attention par leur intensité. Mais en même temps, ces actions soulèvent plusieurs enjeux, comme celui des droits d'auteur, des normes établies, de la politique. Donc, ça fait que son art est comme sans limite, dans le sens qu'il y aura toujours des questionnements et des réactions concernant ce que ces actions. Puis, j'ai juste vous dire un peu des exemples de performances qu'il a fait. Par exemple, en 1993, il est allé uriner dans la fameuse fontaine de Marcel Duchamp. Puis, il a ensuite brisé d'un coup de marteau. Puis ensuite, il va se faire arrêter pour dégradation volontaire d'un monument. Puis aussi comme parasitisme de la gloire, comme s'il avait voulu voler la notoriété de Marcel Duchamp. Mm-hmm. Il y a eu une lourde amende qui s'en est suivie, aussi un long procès. Puis, il a répété cette action-là en 2006 au Centre Pompidou lors d'un... Oui, parce qu'il y en a plusieurs, des fontaines de Duchamp. Oui, c'est ça, je pense qu'il y en a 8, ouais. Là, c'est ça. Il a répété cette action-là au Centre Pompidou. En 2006, lors d'une exposition d'ADA. Puis là, il y a eu encore une arrestation. Il est allé 3 mois en prison. Comme ça, comme je disais, ça joue beaucoup sur le juridique, sur les limites de qu'est-ce qu'on peut faire. Ça pose beaucoup de questionnements sur le domaine du droit aussi. Puis lui, pourquoi il a fait ça? En fait, il disait que c'était une façon pour lui de ranimer l'art, de transformer un objet banal qui est devenu en fait un objet, une œuvre d'art, un objet banal qu'on peut utiliser, un objet utilitaire. Puis il a relancé la réflexion sur l'art conceptuel qui avait lieu surtout en 1917, parce que quand Marcel Duchamp a fait cette œuvre-là, c'est sûr qu'il y avait beaucoup de réactions négatives. On comprenait pas pourquoi est-ce que c'est une œuvre d'art. Ben, c'est une œuvre qui est restée incompréhensible jusque dans les années 60 à peu près, où elle est devenue une icône pour les artistes de l'art conceptuel. Oui, exact. Puis Pierre Pinoncelli a fait ça aussi dans l'esprit d'Ada, un clin d'œil à Dada, qui est comme un courant qui prône l'irrespect, l'ironie, le rejet de tout, en fait. Aussi, une autre chose qu'il a fait, en 1969, il a commis un attentat culturel contre un homme politique français important, du nom d'André Malraux. Puis, en fait, il l'a aspergé de peinture rouge avec un pistolet. OK. Donc ça, on a considéré ça comme un attentat culturel. Puis encore, il s'est fait arrêter des choses juridiques. En 1975, il a braqué un fusil. Braqué avec un fusil, mais sans munitions, les locaux de la Société Générale à Nice, donc une banque, pour récolter le butin de 1 franc. Donc, c'était une action, un geste symbolique pour protester contre le jumelage dans ce temps-là entre Nice et le Cap, qui était alors sous le régime de l'apartheid. Donc, c'est un geste symbolique. Puis aussi, une action qui a beaucoup fait réagir, c'est en 2002 au musée de Cali, en Colombie. Il s'est tranché un doigt avec une hache en signe de solidarité avec Ingrid Betancourt. Oui. j'en parle, j'ai des frissons un oui. peu. Ah oui, il a fait ça, il a fait ça devant public. Puis c'est donc, ça. En fait, on est vraiment dans la lignée de Dada, mais également des actionnistes viennois. Oui, c'est ça. Il s'inscrit dans différents mouvements de l'histoire de l'art. Oui, là. Exactement. Puis c'est pour ça que je trouve ça intéressant qu'il soit connu à Québec. Puis son art, c'est ça. Comme je disais, son art propose une démesure qui touche la sphère publique, la société, les médias. Ses œuvres ont tout le temps eu une grande attention médiatique autour de ses performances, surtout. Oui, oui, souvent, on pense à la société du spectacle, évidemment. Oui, exactement. Puis souvent, il arrivait dans la rue sans... il prévenait pas son arrivée. Puis à un moment donné, il s'est déguisé en momie vivante à Nice et il se promenait dans les rues. OK, c'était pas Mardi Gras, c'était pas l'Halloween. Non, c'est ça. Puis en fait, l'exposition qui a lieu présentement va se terminer le 19 mai. Puis ça met en évidence le concept d'happening de rue, c'est-à-dire les actions qui ont été faites à l'extérieur des institutions. Puis l'exposition comprend plusieurs images, plusieurs documents d'archives sur le travail de Pierre Pinoncelli. Les informations sont disposées sur les murs de façon chronologique. Donc, ce qui est bien, c'est que c'est facile à comprendre. C'est divisé en deux rubriques. Premièrement, les happenings de rue pinoncelliens. Et deuxièmement, les performances. Donc, ça commence tout le temps avec une définition pour ensuite montrer les œuvres qu'il a faites avec des images, des documentations. Donc, ça permet d'éclairer un peu sa démarche qui peut être difficile à comprendre quand on le connaît pas, en fait. Oui, oui, oui, mais c'est ça, c'est intéressant. T'expliques l'artiste, t'expliques ses actions, mais toi, Myriam, tu les mets en contexte aussi ici. Oui, ça nous ça, permet exact. Aussi de mieux comprendre. Là. Oui, c'est ça. Mm-hmm. Puis je trouve que l'exposition est vraiment complète parce que ça l'attire directement notre curiosité. Il y a aucun objet dans la salle, sauf peut-être une télévision. Qui présente des vidéos qui tournent en boucle sur l'artiste. Mm-hmm. Mais sinon, c'est des photos, des textes. Des photos, des textes collés au mur. Donc, il y a quelque chose du catalogue un oui, peu au ça, mur. Oui, c'est ça, exactement. Mm-hmm. Puis aussi, c'est seulement le corps, le spectateur qui se promène. Donc, ça fait aussi référence au corps qui est une notion vraiment questionnée par l'artiste. Puis aussi, ce qui est intéressant, c'est que il y a vraiment toutes les informations qu'on peut avoir sur l'artiste dans la salle d'exposition. Ils mettent le catalogue raisonné de l'œuvre de l'artiste aussi dans la salle. Donc, des fois, sur les murs, il évoque une idée, par contre, ou une œuvre. C'est écrit qu'il s'est déjà fait enterrer vivant pour... je sais pas, je ne me rappelle plus exactement pourquoi. Puis... On va aller voir l'exposition, oui, on va le savoir. Va aller. Puis, c'est ça, exactement. Puis dans ce temps-là, on peut aller voir tout de suite le catalogue raisonné, puis là, ça l'explique, ça montre des photos. Donc, c'est vraiment une exposition à voir. Vraiment, ça éveille une curiosité. Dès que tu commences à lire, en tout cas, pour ma part, j'ai commencé à lire l'exposition puis à regarder les photos, puis j'étais plus capable de m'arrêter. C'est un personnage fascinant. Oui, vraiment. Et puis, pour terminer, juste mentionner que lors du vernissage, lors du colloque qui a eu lieu dans le cadre de cette exposition-là, il y a également Armand Vaillancourt qui est invité, qui est un peu l'équivalent qu'on a au Québec de ce personnage flamboyant qui va faire des actions choc, qui va choquer, qui va justement avoir des gestes très, très politiques, qui va pas avoir peur de se prononcer. Donc, à voir au lieu, ça se termine dimanche, donc on se dépêche. Ben merci beaucoup Myriam Dufour d'être allée voir cette exposition avant qu'elle se termine. Nous on va partir pour une petite pause musicale et au retour c'est l'agenda de la semaine. Alors, avant de faire l'agenda de la semaine à l'aérospatiale, je répète qu'on a un concours ici à CKRL pour gagner des paires de billets pour le FIMAV à Victoriaville. On avait Éric Dorion en entrevue pendant l'émission. Donc, vous pouvez téléphoner à CKRL au 88-640-1586 pour courir la chance de gagner des paires de billets pour Peggy Lee, le spectacle Echo Painting, ou pour Bang on a Can All Stars, qui présente le spectacle Field Recordings. Donc, téléphonez à CKRL. C'est très facile de gagner des billets. On n'a pas eu d'appel pour le moment, donc les premiers seront gagnants. 88-640-1586 pour gagner la chance d'aller faire un petit tour à Victoriaville. Et pour l'agenda de la semaine, il y a en ce moment, le vernissage de notre chambre à la Chambre Blanche et l'exposition se poursuit jusqu'à cette fin de semaine, donc jusqu'à dimanche. Également, demain, vous allez avoir l'occasion d'aller voir le spectacle Pierre Vive, qui est une initiative de Hélène. Il y a des travaux ici à CKRL, donc initiative d'Hélène Matt s'est présentée à la salle multi de Méduse. Et vendredi, c'est le vernissage, le lancement du livre Les Affluents de Louis Perrault à vue. Et c'est la dernière semaine pour aller voir Rassemblement familial de Ludovic Bonnet à la Galerie des arts visuels. Et comme on le disait tout à l'heure avec Myriam, c'est également la dernière semaine pour aller voir l'exposition de Pierre Pinoncelli au lieu Total Return. Et j'ai maintenant devant moi Pierre Blais. Alors, un documentaire sur notre vie privée qui n'est plus privée, Pierre Blais. Effectivement, il est tourné à Montréal. C'est ça qui est intéressant. Hack Montréal, c'est un film qui s'intéresse à tout ce qui est Internet, tout ce qui est hacker, tout ce qui est vie privée sur les Internets. On n'en a plus, semble-t-il. On est épié. Dès qu'on ouvre notre ordinateur, moi qui suis zéro en informatique, j'ai appris des choses dans ce film. Luc Lafontaine va nous en apprendre davantage. Et Montréal est une plaque tournante pour ceux qui tentent aussi de protéger les différents systèmes informatiques dans le monde. Il y a des hackers montréalais qui se sont fait des noms et qui craignent eux aussi pour leur vie privée. Et c'est pas un complot mondial, là. Il y a lieu de s'inquiéter par moment. Il s'agit pas de capoter, d'aller dans la rue, se rouler par terre, mais quand même d'être attentif à ce qui se passe en ce moment. Hack Montréal, un documentaire qui arrive en salle dès vendredi. Mon Dieu, que c'est anxiogène tout ça. Donc on vous laisse sur la pause et après la pause, c'est Situation Critique. Vous avez le goût de faire de la radio, de partager vos connaissances ou vos découvertes musicales avec nos auditeurs? Proposez votre projet d'émission à CKRL pour la saison estivale ou la saison automne-hiver 2019-2020. Comment faire? Rendez-vous sur ckrl.qc.ca et remplissez le formulaire en ligne. Faire partie de l'équipe de bénévoles de CKRL, c'est faire partie de la plus ancienne radio communautaire francophone au monde.